Édition de novembre 2014. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. En octobre, une bonne partie de mon temps fut consacrée à monter, sur la plateforme de Radionomie, un projet pilote de radio web régionale et communautaire pour la région où j'habite. Présentement, elle ne diffuse pratiquement que de la musique country et des bulletins d'information régionaux en semaine. Le week-end, j'essaie une programmation pour enfants le samedi matin, et de l'humour les samedis et dimanches soirs. Mon espoir est que la communauté embarquera dans le projet et produira les émissions qui nourriront la grille horaire. Pour les intéressés, on trouve la radio à radionomie.com/radio-au-Saint-François. J'ajouterai le lien dans le billet de cette émission. Avec tout ce temps consacré au projet radio, mon activité pour les productions audio des éditions de l'avenir fut donc réduite. Du 3 au 7, j'ai finalisé, enregistré, édité, monté et mis en ligne l'émission régulière du podcast d'octobre. Le 9, c'était la mise en ligne de la page 4 du Progrès de l'Est du 22 septembre 1883. 165 millions de piastres sont investis en capitaux dans les établissements industriels du Canada. Plus de 22 millions de dollars sont placés en machinerie de toutes sortes et en série. La somme formée par l'achat des terres, des bois, est d'environ 50 millions, c'est-à-dire plus du tiers de la somme placée dans d'autres établissements industriels. Le total du produit du bois était, en 1881, de 38 millions... Les 14 et 15, j'éditais les résumés Perry Rodden pour les fascicules 110 à 119 que je montais du 24 au 26. Le 15, je recevais de Jean Seb son enregistrement de sa petite conversation avec une momie, auquel j'ajoutais l'intro et l'extro, et que je mettais en ligne le lendemain. De même, M. Buckingham n'aurait jamais réussi à lui traduire l'idée absolument moderne de wig, perruque, si, à une suggestion du docteur Ponnoner, il n'était devenu très pâle et n'avait consenti à ôter la sienne. Il était tout naturel que le discours de M. Glidden roula principalement sur les immenses bénéfices que la science pouvait tirer du démaillotement et du... Je dis toujours, je débutais le processus de mise en ligne du podcast hors-série Histoire 2, que je complétais le 20. Le 16, j'éditais la page 8 de l'édition du 22 septembre 1883 du Progrès de l'Est et enregistrais la 12e partie des Relations des Jésuites. Le 19, j'entamais la révision d'un roman de science-fiction de Mario Fecteau. Ça avance bien, mais je n'ai pas encore tout à fait terminé. Je rappelle que Mario sera au Salon du Livre de Montréal, au stand d'ADA, avec ses deux plus récents romans. Vous pourrez le rencontrer le jeudi 20, de 13 à 17 heures, puis de 18 à 22 heures. Le vendredi 21, de midi à 16 heures, puis de 17h30 à 22 heures. Le samedi 22, de midi à 15 heures, puis de 16 à 21 heures. Il fera également un saut du côté du stand des éditions Michel Quintin pour autographier l'édition en format poche des Maîtres du Pentacle. Le 21 était jour de relevé des téléchargements. Ayant franchi les 500 téléchargements, le petit taureau croisé d'Aristide Filiatro, que j'ai réalisé avec David Lawrence, s'inscrit au tableau. Le 23, je mettais en ligne la 10e partie des Relations des Jésuites, et le 30, La Marquise de la Baguette, un conte du pays gallo. Cependant, vous remarquerez sagement jusqu'à quelle rage le malin esprit agite ceux qui se vendent à lui et combien il faut être réservé à croire les délations et détractions puisque le père Billard avait vécu dans Port-Royal et avait toujours été notoirement reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire bon français naturel, et qui jamais ne fut en Espagne, ni lui, ni son père ou mère, ou aucun de ses parents. Or que ce, néanmoins, un français se soit trouvé si possédé par l'esprit sanguinaire, mais nous n'en croyons rien, qu'Anne de Bretagne y résida. Il a été trouvé à différentes fois dans ce château, d'abord un pot de terre rempli de pièces de 6 livres, puis, dans les murs, des pots en fer vides qui ont dû renfermer un trésor dérobé et, enfin, dans les ruines, il y a quelques années seulement, plusieurs pièces d'or et d'argent de diverses époques. Au courrier, Corvo nous a écrit le 4 octobre. Cher Christian, je profite du fait que je suis en avance dans mon travail pour vous remercier à la fois pour votre réponse rapide et votre rôle de messager à mon égard. Je vous en prie, ce fut un plaisir, croyez-moi. Juste de voir l'expression d'André alors qu'il lisait votre missive. Un second cycle Perry Rodden terminé, youpi! C'est quand même un comble, ne trouvez-vous pas, que personne n'ait jamais traduit en français le fascicule 99? Après tout, il relate la fin de carrière du premier extraterrestre de la saga. Oui, en effet, je n'ai jamais compris pourquoi l'édition officielle française avait omis cet épisode. J'ai commencé à écouter le 17e épisode du PC Show. Un des plus longs de la série, j'ai l'impression. Je ne l'ai pas terminé, mais j'ai déjà ri au moins 10 fois. Voilà qui est agréable à lire. Donc, mission réussie. Et bonne idée d'avoir mis d'autres personnages que Paul sur le devant de la scène. À quand une messe du témoin de Malvina? Je suis super honoré de la proposition d'André Bory. Malheureusement, je ne pourrai pas entretenir une correspondance régulière avant l'année prochaine. D'ici les grandes vacances, je pense. À lundi pour l'émission régulière du podcast et merci d'avance pour vos réponses futures. Bien amicalement, Corvo. PS. Pas mal trouvé le concept de l'émission HS Histoire du podcast. Merci et merci d'avoir pris le temps pour nous encourager, Corvo. Le 6 octobre, André Bory écrivait « Je me suis régalé avec ton podcast d'octobre. Chouette! » Le 13 octobre, André récidivait « Pierre a corrigé 3 des 4 nouvelles de Massas Pavel. Je te les enverrai lorsque je les aurai toutes les 4. » Jean-Seb nous revient ce mois-ci avec la bonne idée de nous donner des trucs pour améliorer notre contenu. Alors, bonjour tout le monde, ici Jean-Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Aujourd'hui, je m'adresse encore une fois aux créateurs de contenu en 2 volets inspirés du podcast anglais de Podcaster Studio, épisodes 85, 86 et 87, je vous expose le traitement des audios en vue de les améliorer. D'une part, automatiquement, de l'autre, manuellement, l'un et l'autre pouvant se compléter à qui mieux mieux. Ainsi donc, en premier lieu, retenez ce nom. Auphonic, auphonic.com. Ce site sert de façon très simple à mettre en forme les métadonnées de fichiers audio ou vidéo et traiter les signaux audio de celui-ci automatiquement. Vous pouvez l'utiliser en ligne sur le web ou localement en téléchargeant simplement un logiciel depuis le site. Notez bien que vous avez droit au traitement de 2 heures d'audio chaque mois, tout à fait gratuitement. Comment ça marche? Juste à créer un nom d'utilisateur, un mot de passe et y lier une adresse email. Une fois ces formalités usuelles complétées, explorez un peu, puis cliquez sur « New Production » ou « Batch » pour traiter plusieurs fichiers avec les mêmes paramètres, puis simplement remplir les cases selon vos désirs. Pas obligé de tout remplir, on peut même sauvegarder et continuer un peu plus tard. Les champs offerts à remplir sont le fichier audio ou vidéo, bien sûr. Si vous avez une introduction et ou une conclusion déjà faite et standardisée, vous pouvez l'utiliser aussi. Ensuite, pour les métadonnées de base, le titre, l'artiste, l'album, la piste et votre image de couverture. Les sous-titres, le résumé, le genre, l'année, le publisher, qui je crois c'est l'éditeur ou l'agrégateur utilisé, son adresse. Vous pouvez même composer la licence de copyright et ajouter des mots étiquettes. Ensuite, le format de sortie de votre fichier une fois traité. Ici, plusieurs formats sont acceptés. MP3, AAC, M4A, MP4, M4B, Opus, Ogg, Vorbiz, FLAC, WAVE, etc. La fréquence d'échantillonnage de 32 à 320 kilobits par seconde, qu'il soit mono ou stéréo. Si vous désirez inclure les marques pour des chapitres, juste à mentionner à quel moment, le titre du chapitre, une adresse associée à ce chapitre et y inclure une image pour chacune d'elles. Auphonic peut prendre en charge la publication automatiquement pour votre fichier par FTP, SFTP, Dropbox, Google Drive, SoundCloud, YouTube, archive.org, Amazon 58, Libsyn, Blueberry et deux sites d'hébergement sont entièrement intégrés à Auphonic. Il s'agit de Podgy et de Podlove. Puis arrive enfin le miracle de ce site. Les algorithmes audio, et vous pouvez les sélectionner. Il s'agit de Adaptive Leveler, Filtering, Loudness Normalization, donc le niveau sonore maximum qui peut être sélectionné entre -13 dB et -31 dB. Quant au bruit et à la réduction du hum, vous pouvez aussi le sélectionner de 3 dB à 100 dB d'atténuation. À la fin, on clique sur Start production. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez suivre le déroulement des traitements effectués en direct. De toute façon, un email vous parviendra avec un lien pour le résultat final, ainsi que des statistiques détaillées sur le fichier original versus le fichier de sortie traité. Le tout en l'espace de quelques minutes seulement. Les algorithmes de l'application sont très intelligents et segmentent au besoin le fichier en autant de morceaux qu'il est requis pour chacun des processus appliqués. Le rapport détaillé quant à lui montre clairement tout ce qui a été fait, détection de musique, de voix, d'amplification, la réduction du bruit, etc. Les quelques essais que j'ai faits ont été absolument fantastiques, très probants. Si aucun traitement était nécessaire, Auphonic a marqué tout simplement qu'il n'avait fait aucun processing de son. Dans mon cas, je commence toujours par retirer le bruit de fond de mes audiosources. Je fais le montage, j'enlève les bafouilles et les nombreuses reprises pour ne garder que ce qui est bon, puis je passe le tout dans Auphonic. Ensuite, je passe au second volet de cette capsule, soit le traitement manuel du son, qui se rapporte à l'épisode 87 de Podcaster Studio. Je ne vous fais qu'un résumé des notes que je me suis prises, mais remplies d'une valeur incommensurable à mes yeux, à savoir sur les fréquences de voix. Un homme à la voix très grave peut atteindre des fréquences de 80 Hz, généralement une voix grave de 120 Hz pour un homme, 240 Hz pour une femme, et les aigus vont vers 3 à 6 kHz. Une fréquence très aiguë pour une femme qui peut être atteinte, 9 kHz. Ce qu'on peut en tirer comme conclusion, déjà, première étape de filtrage, rien d'utile en bas de 80 ou 100 Hz. Ainsi donc, vous pouvez passer à un high-pass filter ou un low-cut, dépendamment de votre vision. Quant au low-pass filter ou les high-cut, donc la coupure des hautes fréquences, ne pas trop couper en bas de 12 kHz. Ça laisse naturellement le son beaucoup plus clair et plus ouvert. dans vos logiciels de traitement du son, vous allez voir les acronymes LF, LMF, MF, HMF et HF. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, low, medium et haute fréquence. Pour votre dictionnaire, les basses fréquences, on parle généralement de 100 à 250 Hz, les médiums de 800 Hz à 1 kHz et les hautes fréquences de 3 à 6 kHz. Prenez note que les modifications faites autour de 500 Hz sont très agressives, donc auront des effets très forts sur la voix. Allez-y avec parcimonie. Sachez que le hachage du son dû à la compression apparaît en premier vers les fréquences de 3 à 6 kHz. Alors, pour les corrections, deux dictons à retenir, the less you do, the better, ce qui veut dire le moins vous en faites, c'est le mieux, et boost wide, cut narrow, ce qui veut dire que lorsque vous amplifiez des fréquences, faites-le, si possible, avec l'équalizer dynamique, donc un équalizer qui va avoir une large bande d'action. Et quand vous coupez certaines fréquences, faites-le avec des bandes de fréquences les plus étroites possibles. Notez aussi que couper sonne souvent plus naturel qu'amplifier. Pour éviter la résonance de fréquences, vous savez, l'écho de salle de bain, évitez le coin des pièces et rapprocher le micro vous aidera à réduire cet effet. Vous induirez par le fait même un effet de proximité qui captera plus fortement les basses fréquences. Les haut-parleurs d'ordinateur ne produisent souvent pas les basses fréquences, soit en bas de 150 Hz. Faites attention à ne pas trop amplifier les basses fréquences si vous écoutez votre son à partir des haut-parleurs de votre ordinateur. Si vous avez trop de basses, coupez aux alentours de 250 Hz. Pour les voix qui sont nasillardes, diminuez aux environs de 800 à 1 kHz. En ce qui concerne le sifflement des dents ou les bruits de bouche, trouvez la fréquence exacte et simplement la coupez fortement. Il est aussi recommandé d'ajuster les fréquences avec l'equalizer avant de compresser vos audios, car le compresseur réagira beaucoup trop fortement dans certains cas pour égaliser et il devra compenser après et ça sonnera faux. Souvenez-vous qu'un limitateur agit aussi en compression. Petit truc pour terminer. N'ajustez pas votre son à fort volume, sauf brièvement pour les basses fréquences. Nos oreilles abaissent les sons forts après un certain temps et on s'habitue à ce qu'on entend. Et surtout, n'hésitez pas à comparer ce que vous faites comme travail avec une référence que vous désirez atteindre ou un son que vous avez déjà. J'espère ne pas trop vous avoir étourdi avec toutes ces données. Réécoutez cette capsule en prenant des notes et en appuyant sur pause après chaque phrase. Sur ce, à la prochaine. À vous, les studios. Merci, Jean-Seb. Suite et fin du feuilleton Mazas Pavel, un monde en héritage par André Bory. Voici ce qui s'est passé dans le dernier épisode. La nef moissonneuse est enfin réparée. Elle quitte la planète où elle avait trouvé refuge et plonge en direction de son point de départ. À bord de l'Acturus, le frère de Mazas et ses amis désespèrent de trouver le cœur de Fomalo lorsqu'ils repèrent soudain des tirs énergétiques. Aussitôt, les mercenaires passent à l'action. Pendant ce temps, sur la planète glacée, Mazas se remet du choc qu'elle a reçu dans le dos. En se retournant, elle aperçoit quatre kerptiers en spatiandre de combat. Elle n'a guère le temps de se demander d'où ils viennent, car elle est prise entre deux feux. Dans ces conditions, son écran d'énergie ne pourra la protéger bien longtemps. Seul espoir, se réfugier à bord de l'épave du cœur de Fomalo. Tâche impossible. Elle décide alors de faire payer chèrement sa vie. Elle parvient ainsi à désintégrer deux des cinq ennemis. Malheureusement, un coup au but lui fait perdre le désintégrateur. les captiers entreprennent alors de pilonner son refuge de glace. La jeune femme se sait condamnée. Elle attend le coup fatidique lorsqu'un des captiers bascule en avant, mort. Changement de point de vue, à bord du triskaf dans lequel sont casés le sergent Ribot, Kalec, Tagouchère, John Pavel et Arx. Il repère trois vaisseaux captiers au sol. Deux captiers en ont la garde. Aucune trace des autres. Arx tue le premier des gardes et fait prisonnier le second. Après l'interrogatoire de ce dernier, John et ses compagnons savent où se trouve le reste des ennemis. Rapidement, ils parviennent à l'origine des émissions des flux énergétiques au moment où Mazas fait face à la mort. Elle est sauvée in extremis par son frère et ses amis. Après quelques moments de réjouissance, ils apprennent que la nef moissonneuse a été retrouvée. Tous regagnent le vaisseau de John où, après quelques heures, l'émir les rejoint. Mazas s'étonne que le mulot Castor ne se soit pas directement téléporté auprès d'elle plutôt que de faire usage d'une navette. Discrètement, il lui confie qu'il a perdu tous ses pouvoirs. Les éditions de l'Avenir présentent Mazas Pavel, un monde en héritage, un roman fanique de l'univers de Perry Rodden par André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série numéro 12. Chapitre 9. Plongé dans la grisaille de l'entre-espace, l'Arcturus et les neuf vaisseaux de mercenaires filaient en direction de leur but. Ils avaient abandonné la nef moissonneuse, Rabotax 3 ayant refusé de les suivre afin de rester à l'endroit où les maîtres lui avaient intimé l'ordre d'attendre. L'émir avait bien hésité à lui avouer la supercherie qui avait servi à l'expédier aux confins de la galaxie, mais, ignorant quelle pourrait être sa réaction à cette annonce, il avait abandonné cette idée, se contentant de prendre congé du commandant robot, après l'avoir remercié pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Après trois étapes, ils approchaient du système autour duquel tournait le monde qu'ils avaient tout naturellement nommé Eldorado. Sorti de l'espace linéaire dans 32 minutes. Les équipages étaient tous excités à l'idée de ce qu'ils allaient découvrir et tous les yeux étaient braqués sur les écrans lorsque les étoiles réapparurent. Une flèche rouge pointait sur le secteur à atteindre. À 80% de la vitesse luminique, nous devrions arriver en vue d'Eldorado dans moins de 2 heures, annonça Yves Mantel. John demanda la liaison avec le Centralcom. Mettez-moi en contact avec la flotte. Tout de suite, colonel. Quelques instants plus tard, il reçut confirmation. Vous pouvez y aller. Ici John Pavel. Nous n'allons pas tarder à arriver. Dans un premier temps, l'Arcturus s'approchera seul de la planète, pendant que les autres vaisseaux stationneront à 10 millions de kilomètres. Selon nos découvertes, je vous demanderai de nous rejoindre. À tout à l'heure. Leur progression se poursuivit pendant une vingtaine de minutes. Soudain, Mantel alerta son chef. Navire non identifié à 10 heures. Le colosse se précipita vers l'écran et découvrit des points brillants dans le secteur indiqué. Combien y en a-t-il ? Vanek, essaie d'avoir un contact. Il faut absolument savoir à qui nous avons affaire. Le pilote, qui interrogeait la positronique, s'écria. J'ai un scan. Et il fit apparaître la vue de l'un des mystérieux astronefs. Une boule traversée par un cylindre mince. L'émir bondit. Des topes vides ? Tu en es sûr ? Oh oui. Cela fait bientôt 350 ans que l'on n'en a plus entendu parler, mais j'ai participé au premier grand bluff de Perry, quand il a fait croire que la Terre était détruite en 1984. Et je suis encore capable de reconnaître sans hésitation leur vaisseau. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ce coin ? Ça, je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, il ne faut absolument pas qu'ils prennent possession d'Eldorado. Cela leur redonnerait des idées de conquête. Bon, si j'ai bien saisi, il va falloir leur rentrer dans l'art. Remarqua l'officier de tir avec un petit sourire en coin. John lui jeta un regard torve, haussa les épaules et approuva. Bien que cela me réjouisse moins que lui, je crois que l'Antoine est dans le vrai. Il va sans doute falloir en découdre avec eux. À moins qu'ils ne nous cèdent la place. Hasarda Kalec. Il ne faut pas y compter. Ils sont plus nombreux que nous et j'ai bien peur que leur agressivité naturelle n'ait guère évolué en 3 siècles et demi. Ne détrompe pas le mulot Castor. Bah, nous avons l'émir avec nous. Et il suffira qu'ils se téléportent sur quelques-uns de leurs bâtiments avec une bombe et les fassent sauter. Les autres ne demanderont pas leur reste pour détaler. Estima Vanek. Le regard désespéré que le mutant lança à Mazas contenait toute la misère du monde. Après s'être raclé la gorge à 2 ou 3 reprises, il leur avoua... Mes amis, je suis désolé, mais j'ai perdu tous mes pouvoirs. Quoi ? Hélas, oui. Et en quelques mots, il leur raconta son odyssée. Un silence gêné accueillit sa confession. Puis, Mantel posa la question que chacun avait sur les lèvres. Et est-ce que cela va revenir ? Je n'en ai pas la moindre idée. Et je suis catastrophé à l'idée de ne pas pouvoir vous aider dans l'affrontement qui se prépare. John tousseta. Rassurez-vous, l'émir. Les mercenaires sont habitués à se débrouiller tout seuls. Et en attendant que vous récupériez toutes vos facultés parapsychiques, nous allons déjà leur mener la vie dure. Se tournant vers le pilote, il interrogea. Yves, sais-tu combien ils sont ? Je viens de recevoir la réponse. 19. Contre 10 de nos vaisseaux. Le combat est presque égal. Les mercenaires kersassiens étaient connus pour leur courage intrépide, mais aussi pour leur hâblerie. Mais le chef de guerre était fin stratège et il disposa aussitôt sa flotte de manière à former un coin. À l'attention des autres commandants de bord, il précisa « Nous emploierons la méthode utilisée lors de la reconquête de Sinar 5. » Chacun ayant approuvé les instructions, il ordonna « Activation des écrans SH. Bonne chance à tous !» Si les occupants de l'Arcturus avaient encore quelques doutes, ils furent rapidement levés. Bien qu'étant encore hors de portée des canons adverses, les Terraniens furent pris pour cible par les Topsides. Continuez à expédier votre poudre aux moineaux ! Ricana l'Antoine. Je vais vous en donner pour votre argent ! Le vaisseau amiral, matérialisant le sommet de l'angle aigu de la formation de combat, ses compagnons s'étaient positionnés de part et d'autre, l'escadre fonça à la rencontre des reptiloïdes qui avaient opté pour un dispositif en forme de cercle. Ne tirez qu'à mon commandement ! Lorsque les salves de plasma commencèrent à ruisseler sur les écrans protecteurs, le colosse se contenta de crier « Feu !» Aussitôt, les canons de tous les aéronefs concentrèrent leurs tirs sur l'adversaire qui se trouvait le plus proche. Presque instantanément, sous le déluge d'énergie, son écran s'affaissa et son bâtiment fut vaporisé. Puis, ce fut le tour de celui qui se trouvait à sa gauche et dont le sort fut scellé aussi rapidement. C'est ainsi que 5 vaisseaux topsides furent volatilisés avant que les mercenaires subissent leur première perte. Le combat se poursuivit pendant quelques minutes après que les deux formations eurent rompu leur dispositif initial, mais l'avantage restait dans le camp des mercenaires qui n'étaient plus que 6, mais qui avaient abattu 11 de leurs ennemis. À présent, les topsides reculaient, cherchant à éviter les coups obus par des manœuvres d'éparpillement. Soudain, l'un d'entre eux décrocha et entama une descente vertigineuse vers le sol de la planète. L'émir, qui bouillait dans son coin, vexé de ne pas pouvoir intervenir, s'en aperçut et le signala à John. Mais celui-ci se contenta d'en prendre acte en affirmant « Nous nous occuperons de lui quand nous aurons éliminé tous les autres. » Mais le mulot castor ne l'entendait pas de cette oreille et il s'enquit « Je crains qu'il ne serve à nous jouer un mauvais tour. Peut-être savent-il activer les défenses de la planète. Puis-je utiliser une navette pour descendre voir ce qu'ils font ?» Ok, tu peux utiliser le triscaf, mais sois prudent. Va dans la soute 2. Je vais demander au sergent Ribaud de t'amener au sol. Merci. En se dandinant sur ses courtes jambes, Lild quitta la passerelle, suivi de Mazas et de Kalik. John fut sur le point de prier sa sœur de rester avec lui, mais il la connaissait suffisamment pour savoir qu'elle n'en ferait qu'à sa tête. Plutôt que de risquer un refus, il préféra se taire. Dix minutes plus tard, alors que l'Arcturus était secoué par les salves tirées et reçues, l'engin blindé de débarquement se tenait près du sas ouvert, prêt à être éjecté dès qu'il y aurait un moment d'accalmie propice à la désactivation momentanée de l'écran SH. Arx et Très Gros Cher, qui avaient sympathisé, étaient venus les rejoindre à bord. L'intercom bourdonna. Paré à l'éjection ? Paré, répondit le pilote en crispant ses mains sur les commandes. Ouverture de l'écran pendant 5 secondes à partir du top. Reçu. Attention, top. Le sergent abaissa les deux manettes et le triscaf bondit hors du vaisseau dont il s'éloigna par un mouvement circulaire. L'écran vert énergétique se réactiva derrière lui. Ribaud tourna la tête vers le mulot castor. Direction. Il faut retrouver le navire qui vient de se poser. J'ignore ce qu'il compte faire, mais cela risque de ne pas être bon pour nous. Docilement, le pilote dirigea son engin vers la planète rouge qui occupait la totalité de l'écran. Tandis qu'il en effectuait le tour, il observa par effet de zoom des portions entières du gigantesque et unique continent qui s'étalait sous le ventre de l'appareil. Les occupants du blindé volant poussèrent des cris d'étonnement à la vue des grandes cités que jouxtaient des astroports colossaux où des vaisseaux de tout tonnage étaient alignés les uns à côté des autres. L'île se tourna vers Mazas et le requin. Maintenant, vous savez dans quoi consistait la surprise que devait faire à Perry. Lui amener sur un plateau les milliers d'astronefs dont il a besoin pour l'expansion de l'Empire. La jeune femme lui tapota amicalement l'épaule. C'est effectivement un merveilleux cadeau. Ribaud, pendant ce temps, cherchait l'appareil ennemi. Où a-t-il bien pu se planquer ? Par moi n'a-t-il ? Je ne sais pas, mais j'aimerais que nous nous posions pour voir de plus près à quoi ressemblent les aéronefs qui attendent notre venue depuis si longtemps. On y va ! Les premières analyses indiquèrent que l'atmosphère était respirable pour les Terraniens. Voilà une bonne nouvelle qui me rend ce monde encore plus sympathique. La descente s'effectua par paliers successifs, facilitant la recherche de l'engin des Topsides. Mais celui-ci brillait par son absence. Ils ne se sont quand même pas volatilisés, s'exclama le pilote, alors qu'il n'était plus qu'à 10 000 mètres d'altitude. Au même instant, le vaisseau des reptiloïdes jaillit des profondeurs d'un large canyon qui serpentait au nord du continent. Mais malgré sa manœuvre désespérée pour éviter les tirs qui lui étaient destinés, un choc formidable secoua le triskaf, projetant ses occupants les uns contre les autres. Sérieusement touché, bien que son écran protecteur ait été activé, le petit appareil entama une chute, traîné par la maîtrise du pilote qui était heureusement sanglé sur son fauteuil contour. Le mercenaire chargé du canon à impulsion rampa jusqu'à son poste en grimaçant. Son bras gauche, cassé, pendait le long de son corps. Avec un juron de douleur, il agrippa sa manette de tir et entreprit difficilement de répondre à l'attaque dont ils étaient l'objet. Mais l'écran protecteur des Topsides absorba sans trop de mal les tirs assez mal cadrés. « Je vais essayer de nous poser sur l'astroport que nous survolons !» cria le sergent. « Cela nous mettra peut-être un peu à l'abri !» Il n'eut cependant pas l'occasion de passer à l'acte, car une nouvelle salve le frappa. Le choc fut encore plus violent que le premier. L'émir, qui était le plus léger, fut propulsé à travers la cabine et s'écrasa contre la paroi. Un grand voile noir l'enveloppa et il perdit connaissance. Mazas n'eut pas le temps de lui porter secours. « Cramponnez-vous, on va toucher le sol !» hurla le pilote. Heureusement pour les passagers du triskaf, il parvint à redresser le nez de l'appareil qui se comporta comme une pierre plate lancée sur un plan d'eau. Et après avoir ricoché 5 ou 6 fois sur un terrain irrégulier constitué de terre rouge durcie, il s'immobilisa entre les piliers massifs soutenant un aéronef posé à l'extrémité du tarmac de l'aéroport. Ribaud, préservé par son siège, se déharnacha et se leva en titubant un peu. Il put alors s'informer de la santé de ses passagers, dont certains étaient évanouis. Parmi ceux encore lucides se trouvaient Mazas, Arx et Trégochère. L'émir et Kalec faisaient partie de la seconde catégorie. Le premier geste du sergent fut d'appeler l'Arcturus pour lui signaler leur situation critique. Laisse ton émetteur en fonction que nous puissions facilement vous repérer. Mais il faut d'abord nous débarrasser des derniers vaisseaux Topsides. Répondit John, heureux de savoir qu'à part un mercenaire qui s'était brisé la nuque, tous les autres étaient en vie. Parfois en mauvais état, mais en vie. Mazas avait ôté le casque de l'émir et lui massait la nuque. Son intervention s'avéra efficace et le mulot castor ouvrit rapidement les yeux. Waouh ! Quel phoque ! Décidément, cela devient une habitude. Comment te sens-tu ? Il découvrit son unique incisive en grouillant. En pleine forme. Trégochère les interrompit. Deux navettes de débarquement viennent de se poser. J'ai l'impression qu'ils veulent faire des prisonniers. Ils se précipitèrent au hublot pour constater que le Végan avait vu juste. À moins d'un kilomètre, les sas ouverts de 2 engins déversaient des soldats qui formèrent une ligne avant de se mettre en marche dans leur direction. Qu'est-ce qu'on fait ? S'enquit le sergent Ribaud. « Nous allons résister le plus longtemps possible afin de permettre à Don de nous porter secours. » répondit Lilt. « Comme nous avons échoué à quelques mètres de l'astroport, je suggère que nous abandonnions le triskaf pour nous réfugier derrière les étançons de certains de ces vaisseaux. »« Et les blessés ?»« Ils sont tous capables de bouger, si nous les aidons. » OK. Les moins valides, étant encadrés par des compagnons en meilleure forme, ils abandonnèrent le blindé et le cadavre du mercenaire, alors que leurs adversaires étaient encore à 500 mètres, et prirent position parmi les aéronefs. Nous sommes 10, et ils sont au moins 150. Nous ne tiendrons pas longtemps. Observa la jeune femme. Notre seul sens fait qu'ils veuillent faire des prisonniers. Ils éviteront donc de mettre le paquet. Parce que s'il avait été dans leur intention de nous massacrer, ils nous auraient achevés avec une ou deux salves depuis leur vaisseau. Rétorqua l'émir. Abrités derrière les larges pieds en métal bleuté qui soutenaient des structures ovoïdes, les rescapés s'étaient séparés en trois groupes. Celui formé par la Carzacienne, Lid et l'Antilan, allait être le premier à subir les attaques de l'ennemi. Leurs armes braquées vers les topsides, les trois compagnons n'attendirent pas qu'ils soient trop prêts pour ouvrir le feu. À part quatre des leurs, qui ne reverraient plus les soleils des topsides, les reptiloïdes se dispersèrent pour se mettre à couvert. Puis, ils dirigèrent un feu roulant vers le trio. Sans véritable efficacité, mais un rayon brûlant frôla cependant le poignet de Lilde qui, sous la douleur, sursauta et, instinctivement, utilisa ses facultés de télékinésie à l'encontre de ses adversaires. Un cri d'étonnement, suivi de hurlements de joie, s'éleva parmi les assiégés lorsqu'ils virent quatre ou cinq topsides projetés dans les airs à plus de 30 mètres de hauteur, gigotant désespérément avant d'amorcer une chute sans douceur. Mazas asséna une claque magistrale entre les épaules du Mulocastor, qui piqua du nez en avant, en criant « Ils sont revenus! Tu as retrouvé tes pouvoirs ?» Pendant une fraction de seconde, l'émir demeura interloqué. Puis, une joie immense le saisit, l'étouffant presque de bonheur. « Yahoo !» Il se téléporta dans le dos de leurs adversaires, qu'il se mit à projeter dans toutes les directions. Sautant d'un point à un autre, apparaissant subitement pour les culbuter, et disparaissant aussitôt pour aller ouvrir ailleurs, le Mulocastor, déchaîné, donnait libre cours à son besoin de jouer après en avoir été privé pendant de longs jours. C'en était trop pour les reptiloïdes qui se débandèrent, lâchant parfois leurs armes pour courir plus vite en direction de leur navet. Mais lorsqu'ils parvinrent à proximité, ce fut pour voir les sas se refermer devant leur nez. Les deux engins commencèrent à s'élever dans les airs, puis subitement, ils se précipitèrent l'un contre l'autre avant de retomber au sol. L'air brasilla près de Mazas et l'émir, hilar, réapparut. Quel pied ! Il y a longtemps que je ne m'étais pas tant amusé. Si j'ai bien compris, c'est un choc qui t'a fait perdre tes facultés et c'est un autre qui te les a rendues. Observa la jeune femme. Dorénavant, essaie d'éviter les coups sur la tête. Les topsides étaient vaincus, d'autant que l'Arcturus venait majestueusement de prendre position au-dessus de la plaine après avoir abattu le dernier adversaire. Trois vaisseaux, seuls rescapés du combat spatial, l'accompagnaient. Les mercenaires avaient payé un lourd tribut à la Camarde, mais tous leurs ennemis avaient été anéantis. Depuis trois jours, ils visitaient la ville, découvrant les architectures aériennes, des bâtiments élevés, des rues très larges qui aboutissaient sur des places immenses. Plusieurs musées leur avaient fait découvrir des objets étranges dont ils ignoraient l'utilité. Mais nulle part, ils ne trouvèrent la moindre représentation des mystérieux habitants de la planète. Les vaisseaux, tous de forme ovoïde, étaient construits dans un métal dont la structure était proche de l'arconite, avec un point de fusion supérieur à 8000 degrés Celsius. La taille et la forme des sièges, les manettes des consoles de pilotage et de tir, ainsi que les systèmes Hypercom, laissaient supposer que les constructeurs avaient une apparence humanoïde. C'était plutôt maigre comme renseignement, mais il semblait bien qu'il faudrait s'en contenter. Quoi qu'il en soit, le souhait de l'émir avait été exaucé. Grâce à lui, Perry et l'Empire terranien allaient pouvoir récupérer un héritage fabuleux et inespéré. Le Stellark de leur amiral avait été prévenu par Hyperonde codée dès la victoire des mercenaires et avait réagi avec célérité. Deux flottes, emportant dans leurs flancs les équipages chargés de ramener les appareils qui attendaient depuis plus d'un millier d'années de prendre leur envol, se préparaient à faire route vers le nouvel Eldorado.

est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Pour tout savoir de nos productions, rendez-vous sur l'avenirudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt. Suite et fin de la table ronde, Nahulbeuk de l'écrit à l'écran avec John Lang, l'auteur du Donjon de Nahulbeuk, Jean-Luc Rivera et le directeur d'écriture de la série d'animation réalisée par Nomad Film. Je fais partie des gens qui sont totalement ignares en matière de technique d'animation, etc. Donc j'ai découvert un petit peu ce qu'était la 3D très brièvement et tout. Donc vous commencez à évoquer ça, mais je ne suis peut-être pas le seul à ignorer quelles sont les différences pour, au niveau technique justement pour faire de la 3D plutôt que de la 2D. Mais peut-être avant, vous pourriez mieux définir déjà, vous avez commencé à l'évoquer, votre rôle, puisque vous êtes directeur d'écriture, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en charge d'harmoniser tout ce qui est le travail des différents scénaristes. John me disait qu'en fait, il y a 9 scénaristes au total pour ces 9 épisodes, et vous avez commencé à... Sur 52 épisodes, voilà. C'est-à-dire certains ont commencé, puis sont partis, et puis d'autres sont arrivés. Donc en totalité, sur les 52, il y en a eu 9. Mais généralement, on faisait des tables de 5-6 personnes par semaine. Mais on n'était pas en totalité 9 sur toute la série. D'accord. Et en établissant, je peux comprendre, une bible pour que tout le monde puisse être au diapason. Exactement, ça commence par une bible, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec mon co-scénariste Sébastien Guéroux, on a tout bien lu et tout bien fait nos devoirs. Et on a essayé d'apprendre par cœur toutes les répliques cultes du donjon de Nahulbeuk avant de poser le moindre mot sur une feuille de papier. Et ensuite, on a écrit une bible littéraire, c'est-à-dire qu'il y a la bible graphique et il y a la bible littéraire. Donc on pose les bases pour que les scénaristes ensuite puissent s'y pencher quand ils ont des problèmes narratifs ou quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire qu'on décrit les personnages, leurs atouts, enfin un peu à la manière d'une description de rôliste, de personnages de jeux de rôle. On a des fiches de perso, ils ont fait des fiches de perso, c'est intéressant. C'est ça, genre force plus 5, pourquoi, intelligent, pas intelligent, quelles conneries ils peuvent dire, quel est leur... En même temps, avec les personnages du donjon de Nahulbeuk, c'était très simple et en même temps très très pratique pour nous, parce que c'est le nain pense qu'à la thune et déteste les elfes, donc ça c'est une porte extraordinaire pour nous. L'elfe est complètement stupide, bon après tous les personnages sont complètement stupides. Ça c'est super. C'est stupide, c'est culturel en fait. Ensuite on s'est permis 2-3 choses sur des personnages, pour compléter la troupe, on était intéressé par le voleur particulièrement. On aimait bien le fait qu'il soit beaucoup plus transparent que dans la BD. Mais en fait, vous l'avez écrit pour qu'il soit plus présent. Il est plus présent. En étant transparent. Mais en étant transparent, ça c'est assez fort. Parce que eux, contrairement à moi, quand ils ont écrit, ils ont réfléchi. Alors que moi, je réfléchis pas en fait quand j'écris. Moi, j'ai voulu écrire des concepts jeux de rôle. Donc j'ai dit, dans une partie de jeu de rôle, il s'est passé ça, ou alors dans une partie de jeu de rôle, il pourrait se passer ça. Donc j'ai écrit des trucs. Alors il y a des trucs qui sont nuls, il y en a qui marchent bien, il y en a qui tombent à l'eau, il y en a qui sont cultes. Voilà. Mais moi, j'ai pas réfléchi. Alors qu'eux, ils étaient pleins, et en plus, ils ont réfléchi. Donc ils sont venus avec des idées nouvelles sur l'écriture globale. Donc là, on fait la saison 1 et 2, qui sera la saison 1 de la série. Et en fait, ce qui est bien pour les gens qui connaissent déjà le donjon d'Albeuil, c'est que il y a ce qu'ils connaissent, mais ça représente quoi, 40% en fait de la série en gros. Il y a à peu près 60% vraiment d'inédits. Ben voilà, on a essayé de... Parce que le début et la fin sont identiques, on passe aux mêmes endroits, ouais. Mais en fait, il ne se passe pas les mêmes choses. Exactement, c'est vrai ça qui est bien. La trame narrative, on a gardé la même chose. Ils ont une mission dictée par le commanditaire, et ils vont la récupérer au 30e épisode, et ils vont, durant les 22 derniers épisodes, traverser les terres de Fang pour rapporter la statuette à leur commanditaire. Mais effectivement, ils passent par Schnafon, ils passent par à peu près tous les lieux qu'on a dans la BD, mais effectivement, il se passe pas les mêmes choses, d'une part, pour apporter plein d'autres bêtises et plein de nouveautés pour les fans de la première heure, mais aussi pour les novices. Et puis, on a dû aussi adapter les choses pour les contraintes de l'animation. Jean-Luc en parlait tout à l'heure, en fait, voilà, pour vous schématiser, moi quand je travaille, je fais un épisode, je dis tiens, là je vais mettre un Québécois. Voilà, c'est parce que moi je réfléchis pas, vous voyez. Je vais mettre un Québécois. Je téléphone à un pote Québécois, allô machin, qu'est-ce que tu fais samedi? Rien, tu viens enregistrer. D'accord. Le mec vient, j'écris son texte, il fait ses mots, il repart. Voilà, ça c'est moi. Alors après, dans la 3D, quand tu veux mettre un Québécois, là c'est pas pareil, parce qu'il y a toute une équipe qui doit designer le Québécois, ensuite qui doit donner le budget du Québécois, il faut trouver l'acteur qui fera le Québécois, et en fait... Pour le Québécois avoir... coûte un bras. Voilà, c'est ça. En fait, il coûte pratiquement le même prix qu'un personnage que tu vois pendant... Parce que là, c'est la grosse différence entre l'animation 2D et la 3D. Donc, dans la 3D, tu as une possibilité de réutilisation très, très forte. Quand tu fais un décor à un endroit, même super riche, bah, tu mélanges, tu le remets à un autre endroit, tu récupères les bouts, ça c'est super. Et donc ça te fait très très beau décor, ça te fait des personnages riches, etc. Mais tout a un coût. Tu mets un verre, ça a un coût, etc. Donc tu mets un nouveau personnage, c'est d'ailleurs les pires parce qu'ils sont animés. Tu mets un nouveau personnage, ça a un coût. Donc moi je mettais des personnages comme ça, prop. Tiens, lui, il arrive, paf, il meurt. Il y a une centaine de gobelins qui arrivent dans la scène. Voilà. Ah, il meurt. Alors, les gobelins, c'est pas grave, parce que les gobelins, tu peux un peu les copier-coller, mais moi, j'ai mis plein de personnages comme ça, parce que j'avais quelqu'un chez moi. On buvait un coup, tiens, tu me ferais pas des voix, allez, hop, tu vas faire un personnage, ou alors c'est moi qui le faisais. Mais là, voilà, c'est des trucs qu'on peut pas faire. Donc, eux, ils réfléchissent à... si on a un personnage, par exemple, le Goldberg, eux, ils l'utilisent plus que moi. Parce que moi ça faisait cher quand même, parce que le Goldberg il sort, il fait « Oh, je vous aime pas tellement !» Et puis hop, il se passe deux trucs, puis il rentre. Et là, effectivement, si tu regardes juste au niveau budget, ça fait cher le Goldberg. On va dire de trop d'être emmerdé. Et d'autant que... Donc voilà, du coup, sur la Bible, on a essayé d'imaginer les 52 épisodes à travers des petits pitchs de 5 lignes, et du coup, dans lesquels on se disait « Tiens, on pourrait réutiliser tel personnage. Tiens, on pourrait... on pourrait utiliser ce personnage, c'est-à-dire on a beaucoup de vieux par exemple, donc on pourrait utiliser... le Gilles est mystérieux. Voilà. On pourrait utiliser le Gildas pour en faire un vieux sage dans l'épisode d'un temple. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer les personnages du donjon de Nihilbuk comme des Playmobil, des personnages sur lesquels on va mettre des nouveaux accessoires, de manière à les réutiliser. Donc on ne pouvait pas tout se permettre, et on ne pouvait pas reprendre tous les personnages de la BD du donjon de Nihilbuk. Je pense à Harry Potter ou ce genre de choses, des personnages qui sont trop marqués. C'est Gary Topper chez nous. Oui, voilà. T'as pas le droit de dire les marques. Et donc ça nous a restreint la chose, mais en même temps ça nous a permis d'arriver à une trame narrative assez intéressante, parce que de retrouver le Goldberg, ça permet de créer un lien avec les personnages, ça permet de créer vraiment des relations assez intéressantes et plutôt drôles en fait. En revanche, il faut se rassurer, c'est qu'on utilise beaucoup de personnages malgré tout à travers ce système de Playmobil, et on en tue beaucoup. Oui. Ah donc c'est vrai. C'est-à-dire que Oui, parce que dans l'aventure on meurt. Et voilà. Et ça, on voulait à tout prix le garder. Il y a beaucoup de morts. Par exemple, plus que dans la BD. Tu parlais des références, mais je pense que rien que l'épisode de Schnaffon que j'ai fait, qui contient 14 références cinématographiques, aurait à peu près coûté le prix de la série si on l'avait fait en vrai. On retrouve Doc et Marty, on retrouve Jay et Silent Bob, on a Terminator, on a Conan, etc. Et en plus, Mario, on a rajouté dans la BD. Parce que justement, la 2D, c'est bien, tu fais un dessin une fois, ça te coûte pas plus cher. La 3D, tu peux pas. Il faut modéliser. Nous, on a foutu Cobra dans la BD parce que j'aime bien Cobra. On a mis Bip Bip et Coyote parce qu'on les aime bien. Voilà, Schnaffon, c'est la ville à référence, mais nous, voilà. Et du coup, on a dû partir vers une autre histoire à Schnaffon. Ils vont à Schnaffon, mais il se passe d'autres choses. Et on a dû aussi voir d'autres contraintes, c'est-à-dire que la 3D, il y a des choses qui paraissent anodines comme ça, mais qui sont très chères, notamment un personnage qui touche de l'eau, ça va tout de suite assez loin dans les coups. C'est-à-dire qu'il y a eu des épisodes, notamment l'elfe dans le lac, il a fallu qu'on soit malin pour qu'on puisse pas avoir le personnage qui touche à l'eau, tout ça, parce que dès qu'il y a un personnage qui touche à de la matière qui est pas solide, en 3D, c'est hyper compliqué à faire. On vous rassure, elle a quand même enlevé ses vêtements. Ouais. Parce que je vois qu'il y en a qui ont déjà la petite goutte de sueur. Perso, c'est mon épisode préféré. Ah. Et y a-t-il des poulets? Il y a des poulets, bien sûr. Alors du coup, là, on l'a bien réutilisé. Et encore, c'est un perso qui sera très présent. Voilà, donc il y a évidemment l'épisode du piou-piou. Il y a aussi Bernadette qui va devenir un vrai grand personnage sur un épisode. Il y a beaucoup de poulets, il y a vraiment beaucoup de poulets qui sont pas mal trucidés aussi. Il y a beaucoup, il y a finalement très peu de survivants dans le donjon de la. Bah oui, et puis en plus ils n'ont pas visité tous les étages. Très bien. Et alors là, vous êtes donc en train de faire cette adaptation en dessin animé. Est-ce qu'en même temps, vous avez commencé à envisager les droits pour l'étranger, pour pouvoir exporter Naheulbeuk, parce qu'il n'y a pas de raison que seuls les pays francophones souffrent. Alors, ça, c'est à notre producteur de répondre. Moi, j'ai quand même pas mal d'éléments de réponse. Ah, je te laisse. Dans le budget de la série, faut savoir que sur une... les gens qui regardent des animations de qualité en 3D, ils ont l'habitude de voir des trucs comme les Pixar et autres. C'est des budgets énormes, hein. on n'est pas là du tout. Cela dit, par rapport à des productions cheap, on est quand même largement au-dessus aussi. Donc on se retrouve dans une tranche intermédiaire de budget qui fait que si on veut que la série elle soit viable, c'est-à-dire que les gens qui les font ne soient pas perdants déjà, parce que tout le monde doit être payé, etc., il faut envisager de partir à l'étranger. Et en fait, le jeu de rôle et le jeu vidéo, dont on s'inspire quand même pas mal, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Il y a énormément de rôlistes aux États-Unis, dans les pays nordiques, etc. Donc il y a déjà une volonté de base de faire au moins en anglais. Ça, c'est en cours, ils sont en train de travailler dessus et tout. Sachant que les premières voix en anglais, c'est très très drôle d'ailleurs. Ouais, même pour moi, c'est une redécouverte. Parce qu'il y a des trucs complètement anodins qu'on dit en français qui en anglais ils ont tout de suite la patate. Il y a plus de classe. En fait, la langue anglaise, finalement. Ouais, en audiovisuel, ça marche mieux. Et du coup, même moi qui connais ce que j'ai écrit, quand je vois en anglais, j'ai l'impression de voir un nouveau truc en fait. Donc ça sera sympa si vous avez le DVD, vous pourrez le voir en deux versions. Et on s'attend. Moi, mon pronostic, c'est que ça va vachement marcher dans les pays anglophones parce qu'il y a beaucoup de rôlistes. Et que, bizarrement, personne n'a fait avant nous. En fait, ce créneau vraiment spécifique, télévisuel, de qualité, en animation pour les adultes, sur le thème du jeu de rôle, ça n'a pas été fait. Il y a eu des trucs qui ont été faits. Hein. Vous connaissez peut-être la vieille série des années 80 qui s'appelle Donjons et Dragons pour les enfants de 8 ans. Non, ça vous dit rien? Si, ça lui dit, lui, là-bas. Voilà, il en rit, il en pleure de rire parce qu'il se souvient comment c'était moche. Donjons et Dragons, c'était pathétique. On a eu les adaptations cinématographiques de Donjons et Dragons qui sont également pathétiques parce qu'ils ont été faits par n'importe qui ne savait pas ce qu'ils faisaient. Voilà, donc là, on va proposer un programme pour les releases, pour les joueurs et pour d'autres gens d'ailleurs, parce qu'on a des gens qui sont ni l'un ni l'autre et qui accrochent vachement à la série. Bah, c'est ça, c'était le but de l'écriture au départ. C'était vraiment d'élargir le public et de ne pas s'adresser qu'aux rôlistes et qu'aux fans du donjon. Il fallait qu'on attire d'autres fans. Et donc, j'espère que le pari va être gagné. Mais tout en gardant les fans originaux. C'est ça que je leur expliquais tout à l'heure pourquoi. Ça m'a eu pas mal de Dafalgan. Moi, je faisais partie du projet parce que justement, comme tu l'expliques souvent, moi, je suis garant de l'œuvre originale. Et c'est ce qu'on n'a pas souvent sur des ventes de licences ou autres sur des projets à l'étranger, où on perd l'œuvre originale dans le but d'obtenir plus d'audience. Donc nous, on a essayé de faire justement, de garder l'œuvre originale, et éventuellement, on aura plus d'audience quand même. Merci à tous ceux et celles qui ont permis la diffusion de cette table ronde. En terminant, l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog, l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur SoundsMap, en transition sur Podomatic, l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France, via le Miro Guide, partiellement sur Stitcher et chez Radio H2O. Vous nous trouverez également sur Twitter à l'Avenir Audio, ainsi que sur Google Plus sous Christian Martin. Nous sommes également sur Pinterest à pinterest.com/l'avenir audio. Toutes nos productions audio se trouvent via l'avenir audio.canalblog.com et plusieurs d'entre elles sont également sur audiocité.net. Et voilà, Ainsi se termine cette 25e émission de la deuxième série du podcast des Éditions de l'Avenir. Merci de votre attention et à bientôt.